Chapitre 17 La catastrophe de Sir John Franklin. Le Forward parvint à couper directement le détroit de James Ross, mais ce ne fut pas sans peine. Il fallut employer la scie et les pétards. L'équipage éprouva une fatigue extrême. La température était heureusement fort supportable et supérieure à 30 degrés à celle que trouva James Ross à pareille époque. Le thermomètre marquait 34 degrés, plus 2 degrés centigrades. Le samedi, on doubla le cap Félix, à l'extrémité nord de la terre du roi Guillaume, l'une des îles moyennes de ces mers boréales. L'équipage éprouvait alors une impression forte et douloureuse. Il jetait des regards curieux mais tristes sur cette île dont il longeait la côte. En effet, il se trouvait en présence de cette terre du roi Guillaume, théâtre du plus terrible drame des temps modernes. À quelques miles dans l'ouest, c'était à jamais perdu l'Erebus et le Terror. Les matelots du Forward connaissaient bien les tentatives faites pour retrouver l'amiral Franklin et le résultat obtenu, mais ils ignoraient les affligeants détails de cette catastrophe. Or, tandis que le docteur suivait sur sa carte la marche du navire, plusieurs d'entre eux, Bell, Bolton, Simpson, s'approchèrent de lui et se mêlèrent à la conversation. Bientôt leurs camarades les suivirent, mus par une curiosité particulière. Pendant ce temps, le brick filait avec une vitesse extrême, et la côte, avec ses baies, ses caps, ses pointes, passait devant le regard comme un panorama gigantesque. Atterra serpentait la dunette d'un pas rapide. Le docteur, établi sur le pont, se vit entouré de la plupart des hommes de l'équipage. Il comprit l'intérêt de cette situation et la puissance d'un récit fait dans de pareilles circonstances. Il reprit donc en ces termes la conversation commencée avec Johnson. « Vous savez, mes amis, quels furent les débuts de Franklin. Il fut mousse, comme Cook et Nelson. Après avoir employé sa jeunesse à de grandes expéditions maritimes, il résolut en 1845 de s'élancer à la recherche du passage du Nord-Ouest. Il commandait l'Erebus et le Terror, deux navires éprouvés qui venaient de faire avec James Ross, en 1840, une campagne au pôle antarctique. L'Erebus, monté par Franklin, portait 70 hommes d'équipage, tant officiers que matelots, avec Fitzjames pour capitaine, Gore, le Vesconte pour lieutenant, Desveux, Sargent, Couch pour maître d'équipage, et Stanley pour chirurgien. Le Terror comptait 68 hommes, capitaine Crozier, lieutenant Little Oxon et Irving, maître d'équipage, Oresby et Thomas, chirurgien Peddy. Vous pouvez lire aux baies, aux caps, aux détroits, aux pointes, aux canaux, aux îles de ces parages, le nom de la plupart de ces infortunés, dont pas un n'a revu son pays. En tout, 138 hommes. Nous savons que les dernières lettres de Franklin furent adressées de l'île Disko et datées du 12 juillet 1845. J'espère, disait-il, appareiller cette nuit pour le détroit de Lancastre. Que s'est-il passé depuis son départ de la baie de Disko? Les capitaines des baleiniers, le prince de Galles et l'entreprise, aperçurent une dernière fois les deux navires dans la baie de Melville. Et depuis ce jour, on n'entendit plus parler d'eux. Cependant, nous pouvons suivre Franklin dans sa marche vers l'ouest. Il s'engage par les détroits de Lancastre et de Barrow et arrive à l'île Bechet, où il passe l'hiver de 1845 à 1846. Mais comment a-t-on connu ces détails? Demanda Bell, le charpentier. Par trois tombes, qu'en 1850, l'expédition Austin découvrit sur l'île. Dans ces tombes étaient inhumés trois des matelots de Franklin. Puis ensuite, à l'aide du document trouvé par le lieutenant Hobson, du Fox, et qui porte la date du 25 avril 1848. Nous savons donc que, après leur hivernage, l'Erebus et le Terror remontèrent le détroit de Wellington jusqu'au 77e parallèle. Mais au lieu de continuer leur route au nord, route qui n'était sans doute pas praticable, ils revinrent vers le sud. « Et ce fut leur perte, » dit une voix grave. « Le salut était au nord. » Chacun se retourna. Atterras, accoudé sur la balustrade de la dunette, venait de lancer à son équipage cette terrible observation. « Sans doute, » reprit le docteur, « l'intention de Franklin était de rejoindre la côte américaine. » Mais les tempêtes l'assaillirent sur cette route funeste, et le 12 septembre 1846, les deux navires furent saisis par les glaces à quelques miles d'ici, au nord-ouest du cap Félix. Ils furent entraînés encore jusqu'au nord-nord-ouest de la pointe Victory, là même fit le docteur en désignant un point de la mer. Or, ajouta-t-il, les navires ne furent abandonnés que le 22 avril 1848. Que s'est-il donc passé pendant ces 19 mois? Qu'ont-ils fait, ces malheureux? Sans doute, ils ont exploré les terres environnantes, tenté tout pour leur salut, car l'amiral était un homme énergique, et s'il n'a pas réussi, c'est que ses équipages l'ont trahi, peut-être, dit Hatteras d'une voix sourde. Les matelots n'osèrent pas lever les yeux. Ses paroles pesaient sur eux. Bref, le fatal document nous l'apprend encore. Sir John Franklin succombe à ses fatigues le 11 juin 1847. Honneur à sa mémoire, dit le docteur en se découvrant. Les auditeurs l'imitèrent en silence. Que devinrent ces malheureux privés de leur chef pendant 10 mois? Ils restèrent à bord de leur navire et ne se décidèrent à les abandonner qu'en avril 1848. 105 hommes restaient encore sur 138. 33 étaient morts. Alors les capitaines Crozier et Fitzjames élevèrent un cairn à la pointe Victory et ils y déposent leurs derniers documents. « Voyez, mes amis, nous passons devant cette pointe. Vous pouvez encore apercevoir les restes de ce cairn, placé pour ainsi dire au point extrême que John Ross atteignit en 1831. Voici le cap John Franklin. Voici la pointe Franklin. Voici la pointe le Viscount. Voici la baie de l'Erebus, où l'on trouva la chaloupe faite avec les débris de l'un des navires et posée sur un traîneau. Là furent découverts des cuillères d'argent, des munitions en abondance, du chocolat, du thé, des livres de religion, car les 105 survivants, sous la conduite du capitaine Crozier, se mirent en route pour Great Fish River. Jusqu'où ont-ils pu parvenir? Ont-ils réussi à gagner la baie d'Hudson? Quelques-uns survivent-ils? Que sont-ils devenus depuis ce dernier départ? « Ce qu'ils sont devenus, je vais vous l'apprendre, » dit John Hatteras d'une voix forte. « Oui, ils ont tâché d'arriver à la baie d'Hudson et se sont fractionnés en plusieurs troupes. Oui, ils ont pris la route du sud. Oui, en 1854, une lettre du docteur Ray apprit qu'en 1850, les Esquimaux avaient rencontré sur cette terre du roi Guillaume un détachement de 40 hommes, chassant le veau marin, voyageant sur la glace, traînant un bateau, maigri, hâve, exténué de fatigues et de douleurs. Et plus tard, il découvrait 30 cadavres sur le continent et 5 sur une île voisine. Les uns à demi enterrés, les autres abandonnés sans sépulture. Ceux-ci sous un bateau renversé, ceux-là sous les débris d'une tente. Ici un officier, son télescope à l'épaule et son fusil chargé près de lui. Plus loin, des chaudières avec les restes d'un repas horrible. À ces nouvelles, l'amirauté pria la compagnie de la baie d'Hudson d'envoyer ses agents les plus habiles sur le théâtre de l'événement. Ils descendirent la rivière de Bac jusqu'à son embouchure. Ils visitèrent les îles de Montréal, Maconochie, Pointe-Ogle, mais rien. Tous ces infortunés étaient morts de misère, morts de souffrance, morts de faim, en essayant de prolonger leur existence par les ressources épouvantables du cannibalisme. Voilà ce qu'ils sont devenus le long de cette route du sud, jonchés de leurs cadavres mutilés. Eh bien, voulez-vous encore marcher sur leurs traces? La voix vibrante, les gestes passionnés, la physionomie ardente d'Hatteras produisirent un effet indescriptible. L'équipage, surexcité par l'émotion en présence de cet air funeste, s'écria tout d'une voix « Au nord! Au nord !» Eh bien, au nord, le salut et la gloire sont là. Au nord! Le ciel se déclare pour nous, le vent change, la passe est libre, part à virer. Les matelots se précipitèrent à leur poste de manœuvre. Les ice streams se dégageaient peu à peu, le forward évolua rapidement et se dirigea en forçant de vapeur vers le canal de McClintock. Hatteras avait eu raison de compter sur une mer plus libre. Il suivait en la remontant la route présumée de Franklin. Il longeait la côte orientale de la terre du prince de Galles, suffisamment déterminé alors, tandis que la rive opposée était encore inconnue. Évidemment, la débâcle des glaces vers le sud s'était faite par les pertuis de l'est, car ce détroit paraissait être entièrement dégagé. Aussi le forward fut-il en mesure de regagner le temps perdu. Il força de vapeur, si bien que le 14 juin, il dépassait la baie Osborne et les points extrêmes atteints dans les expéditions de 1851. Les glaces étaient encore nombreuses dans le détroit, mais la mer ne menaçait plus de manquer à la quille du forward. Chapitre 18. La route du Nord. L'équipage paraissait avoir repris ses habitudes de discipline et d'obéissance. Les manœuvres, rares et peu fatigantes, lui laissaient de nombreux loisirs. La température se maintenait au-dessus du point de congélation et le dégel devait avoir raison des plus grands obstacles de cette navigation. Duke, familier et sociable, avait noué des relations d'une amitié sincère avec le docteur Clawbonny. Ils étaient au mieux, mais comme en amitié il y a toujours un ami sacrifié à l'autre, il faut avouer que le docteur n'était pas l'autre. Duke faisait de lui tout ce qu'il voulait. Le docteur obéissait comme un chien à son maître. Duke, d'ailleurs, se montrait aimable envers la plupart des matelots et des officiers du bord. Seulement, par instinct sans doute, il fuyait la société de Shandon. Il avait aussi conservé une dent, et quelle dent, contre Penn et Warren. Sa haine pour eux se traduisait en grognements mal contenus à leur approche. Ceux-ci, d'ailleurs, n'osaient plus s'attaquer au chien du capitaine, à son génie familier, comme le disait Clifton. En fin de compte, l'équipage avait repris confiance et se tenait bien. « Il semble, dit un jour James Wall à Richard Shandon, que nos hommes aient pris au sérieux les discours du capitaine. Ils ont l'air de ne plus douter du succès. » « Ils ont tort, répondit Shandon. S'ils réfléchissaient, s'ils examinaient la situation, ils comprendraient que nous marchons d'imprudence en imprudence. Cependant, reprit Wall, nous voici dans une mer plus libre. Nous revenons vers des routes déjà reconnues. N'exagérez-vous pas, Shandon ? Je n'exagère rien, Wall. La haine, la jalousie, si vous le voulez, que m'inspire Hatteras ne m'aveugle pas. Répondez-moi, avez-vous visité les soutes au charbon ? Non, répondit Wall. Eh bien, descendez-y, et vous verrez avec quelle rapidité nos approvisionnements diminuent. Dans le principe, on aurait dû naviguer surtout à la voile, l'hélice étant réservée pour remonter les courants ou les vents contraires. Notre combustible ne devait être employé qu'avec la plus sévère économie. Car qui peut dire en quel endroit de ces mers et pour combien d'années nous pouvons être retenus ? Mais Hatteras, poussé par cette frénésie d'aller en avant, de remonter jusqu'à ce pôle inaccessible, ne se préoccupe plus d'un pareil détail. Que le vent soit contraire ou non, il marche à toute vapeur, et pour peu que cela continue, nous risquons d'être fort embarrassés, sinon perdus. Dites-vous vrai, Shandon, cela est grave alors ? Oui, Wall, grave, non seulement pour la machine, qui, faute de combustible, ne nous serait d'aucune utilité dans une circonstance critique, mais grave aussi au point de vue d'un hivernage, auquel il faudra tôt ou tard arriver. Or, il faut un peu songer au froid dans un pays où le mercure gèle fréquemment dans le thermomètre. Mais, si je ne me trompe, Shandon, le capitaine compte renouveler son approvisionnement à l'île Bêchet. Il doit y trouver du charbon, en grande quantité. Va-t-on où l'on veut, dans ces mers, Wall ? Peut-on compter trouver tel détroit, libre de glace ? Et s'il manque l'île Bêchet ? Et s'il ne peut y parvenir, que deviendrons-nous ? Vous avez raison, Shandon, Hatteras me paraît imprudent, mais pourquoi ne lui faites-vous pas quelques observations à ce sujet ? Non, Wall, répondit Shandon avec une amertume mal déguisée. J'ai résolu de me taire, je n'ai plus la responsabilité du navire, j'attendrai les événements. On me commande, j'obéis, et je ne donne pas d'opinion. Permettez-moi de vous dire que vous avez tort, Shandon, puisqu'il s'agit d'un intérêt commun, et que ces imprudences du capitaine peuvent nous coûter fort cher à tous. « Et si je lui parlais, Wall, m'écouterait-il » Wall n'osa répondre affirmativement. « Mais, ajouta-t-il, il écouterait peut-être les représentations de l'équipage. »« L'équipage ?» fit Shandon en haussant les épaules. « Mais, mon pauvre Wall, vous ne l'avez donc pas observé. Il est animé d'un tout autre sentiment que celui de son salut. Il sait qu'il avance vers le 72e parallèle et qu'une somme de 1000 livres lui est acquise par chaque degré gagné au-delà de cette latitude. » « Vous avez raison, Shandon, répondit Wall, et le capitaine a pris là le meilleur moyen de tenir ses hommes. « Sans doute, répondit Shandon, pour le présent, du moins. « Que voulez-vous dire ? Je veux dire qu'en l'absence de dangers ou de fatigue, par une mer libre, cela ira tout seul. Hatteras les a pris par l'argent. Mais ce que l'on fait pour l'argent, on le fait mal. Viennent donc les circonstances difficiles, les dangers, la misère, la maladie, le découragement, le froid, au-devant duquel nous nous précipitons en insensés, et vous verrez si ces gens-là se souviennent encore d'une prime à gagner. Alors, selon vous, Shandon, Hatteras ne réussira pas ? Non, Wall, il ne réussira pas. Dans une pareille entreprise, il faut entre les chefs une parfaite communauté d'idées, une sympathie qui n'existe pas. J'ajoute qu'Hatteras est un fou. Son passé tout entier le prouve. Enfin, nous verrons. Il peut arriver des circonstances telles que l'on soit forcé de donner le commandement du navire à un capitaine moins aventureux. Cependant, dit Wall, en secouant la tête d'un air de doute, Hatteras aura toujours pour lui. Il aura, répliqua Shandon, en interrompant l'officier, il aura le docteur Clawbonny, un savant qui ne pense qu'à savoir. Johnson, un marin esclave de la discipline, et qui ne prend pas la peine de raisonner. Peut-être un ou deux hommes encore, comme Bell, le charpentier, quatre au plus, et nous sommes 18 à bord. Non, Wall, Hatteras n'a pas la confiance de l'équipage. Il le sait bien, il l'amorce par l'argent. Il a profité habilement de la catastrophe de Franklin pour opérer un revirement dans ses esprits mobiles. Mais cela ne durera pas, vous dis-je, et s'il ne parvient pas à atterrir à l'île Bechet, il est perdu. Si l'équipage pouvait se douter, je vous engage, répondit vivement Shandon, à ne pas lui communiquer ses observations. Il les fera de lui-même. En ce moment, d'ailleurs, il est bon de continuer à suivre la route du Nord. Mais qui sait si ce qu'Hatteras croit être une marche vers le pôle n'est pas un retour sur ses pas. Au bout du canal McClintock est la baie Melville, et là débouche cette suite de détroits qui ramènent à la baie de Baffin. Qu'Hatteras y prenne garde, le chemin de l'Est est plus facile que celui du Nord. On voit par ces paroles quelles étaient les dispositions de Shandon, et combien le capitaine avait droit de pressentir un traître en lui. Shandon raisonnait juste, d'ailleurs, quand il attribuait la satisfaction actuelle de l'équipage à cette perspective de dépasser bientôt le 72e parallèle. Cet appétit d'argent s'empara des moins audacieux du bord. Clifton avait fait le compte de chacun avec une grande exactitude. En retranchant le capitaine et le docteur, qui ne pouvaient être admis à partager la prime, il restait 16 hommes sur le forward. La prime étant de 1000 livres, cela donnait une prime de 62,5 livres par tête et par degré. Si jamais on parvenait au pôle, les 18 degrés à franchir réservaient à chacun une somme de 1125 livres, c'est-à-dire une fortune. Cette fantaisie-là coûterait 18,000 livres au capitaine, mais il était assez riche pour se payer une pareille promenade au pôle. Ces calculs enflammèrent singulièrement l'avidité de l'équipage, comme on peut le croire, et plus d'un aspirait à dépasser cette latitude dorée, qui, 15 jours auparavant, se réjouissait de descendre vers le sud. Le forward, dans la journée du 16 juin, rangea le cap Haworth. Le mont Rawlinson dressait ses pics blancs vers le ciel. La neige et la brume le faisaient paraître colossal en exagérant sa distance. La température se maintenait à quelques degrés au-dessus de glace. Des cascades et des cataractes improvisées se développaient sur les flancs de la montagne. Les avalanches se précipitaient avec une détonation semblable aux décharges continues de la grosse artillerie. Les glaciers, étalés en longues nappes blanches, projetaient une immense réverbération dans l'espace. La nature boréale, aux prises avec le dégel, offrait aux yeux un splendide spectacle. Le brick rasait la côte de fort près. On apercevait sur quelques rocs abrités de rares bruyères, dont les fleurs roses sortaient timidement entre les neiges, des lichens maigres d'une couleur rougeâtre, et les pousses d'une espèce de saule nain qui rampait sur le sol. Enfin, le 19 juin, par ce fameux 72e degré de latitude, on doubla la pointe Minto qui forme l'une des extrémités de la baie Oumanet. Le brick entra dans la baie Melville, surnommée la mer d'argent par Bolton. Ce joyeux marin se livra sur ce sujet à 1000 facéties dont le beau Clawbonny rit de grand cœur. La navigation du forward, malgré une forte brise du nord-est, fut assez facile pour que le 23 juin il dépassât le 74e degré de latitude. Il se trouvait au milieu du bassin de Melville, l'une des mers les plus considérables de ces régions. Cette mer fut traversée pour la première fois par le capitaine Peary dans sa grande expédition de 1819, et ce fut là que son équipage gagna la prime de 5,000 livres promise par acte du gouvernement. Clifton se contenta de remarquer qu'il y avait 2 degrés du 72e au 74e. Cela faisait déjà 125 livres à son crédit. Mais on lui fit observer que la fortune dans ces parages était peu de chose, qu'on ne pouvait se dire riche qu'à la condition de boire sa richesse. Il semblait donc convenable d'attendre le moment où l'on roulerait sous la table d'une taverne de Liverpool pour se réjouir et se frotter les mains.